Bonjour à tous. Aujourd'hui, suggestion pour la Saint-Valentin. Truite Fario cuite au plat, jus de pamplemousse. 2 truites Fario vidées et barbées. 3 cuillères à soupe de bénédictine. 1 jus de pamplemousse rose. 1 pincée de curry. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. 10 g de beurre, des fines herbes, basilic, ciboulette, persil, sel et poivre. Versez la bénédictine dans une petite casserole, faire réduire de moitié, ajoutez le jus de pamplemousse, le curry, portez ébullition. Versez ce jus dans un plat en terre, poêlez les truites assaisonnées avec un peu d'huile d'olive, 2 minutes de chaque côté, et rangez dans le plat avec la sauce pamplemousse, ventre côté gauche. Cuisson au four, 180 degrés, 8 minutes. Mettre la truite sur assiette chaude dans le four à 120 degrés, porte ouverte. Faire réduire le jus de cuisson. Monter la sauce avec le beurre froid. Napper les truites de cette sauce et décorer de fines herbes. Un petit vin conseillé, un Alsace Pinot Blanc à boire avec modération.